L'horrible vision s'éteignit. L'empereur, désespéré, poussa dans l'ombre un cri d'horreur, baissant les yeux, dressant ses mains épouvantées. Les victoires de marbre, à la porte sculptée, fantôme blanc debout, hors du sépulcre obscur, se faisaient du doigt signe, et s'appuyant au mur, écoutaient le titan pleurer dans les ténèbres. Et lui cria « Démon aux visions funèbres, toi qui me suis partout, que jamais je ne vois, qui donc es-tu ? » « Je suis ton crime, » dit la voix. La tombe alors s'emplit d'une lumière étrange, semblable à la clarté de Dieu quand il se venge. Pareils aux mots que vit resplendir Balthazar, deux mots dans l'ombre écrits, flamboyés sur César. Bonaparte, tremblant comme un enfant sans mère, leva sa face pâle et lut « 18 Brumaire ».